Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Sidney Bechet, le plus français des jazzman américains. Vous savez, messieurs, Nouvelle-Orléans, c'était une place très, très gaie. On a la musique, des chansons tout partout. Par exemple, vous toujours trouvez des parades, on a des petits clubs. Des fois, quand une personne mourit, on a la musique. Et vous allez à le coiffeur, encore vous écoutez des chansons et en peut-être la musique. Cette Nouvelle-Orléans où la musique est reine, que décrit Sidney Bechet à l'émission Musicien d'aujourd'hui en 1966, et la ville qu'il a vu naître, et toute sa vie, sa musique va rester associée à cette ville et à ce style qu'on va appeler le jazz de la Nouvelle-Orléans. De fait, Sidney Bechet, avec Louis Armstrong, est l'un des géants de ce jazz de la Nouvelle-Orléans, justement. C'était un perfectionniste, hein, c'était un grand professionnel. Il avait l'habitude de jouer avec des gens de sa pointure, à peu près. D'un seul coup, il tombe sur un orchestre d'amateurs. Alors là, il y en a qui n'ont pas tenu le coup. Il y en a deux qui ont quitté l'orchestre. Et j'ai ravalé ce que je pensais de lui, et puis j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses. Mais il était insupportable en musique. En dehors de la musique, il était très gentil. On pouvait parler avec lui de différentes choses, surtout que, contrairement à beaucoup de musiciens américains, il avait des lubies, il aimait bien la pêche, il aimait bien la photo, il aimait bien se promener, tout ça. Sur le grand classique de Sidney Bechet, la pièce Petite Fleur, vous entendiez le clarinettiste français Claude Luther, compagnon d'armes de Sidney Bechet, à l'émission Paroles de Star en 1994, pour nous présenter cette grande figure du jazz de la Nouvelle-Orléans, que va être Sidney Bechet. J'accueille mon collègue Stanley Péan, animateur de l'émission Quand le jazz est là, à Ici Musique. Stanley Péan, bonjour. Bonjour. Commençons par ce qu'on vient d'entendre. Cette pièce-là, Petite Fleur, c'est vraiment le grand succès de Sidney Bechet, sa pièce fétiche. Pourquoi c'est tout de suite cette pièce qui nous vient en tête quand on évoque son nom? Pourquoi cette pièce-là est aussi envoûtante? Bien, c'est ce qu'on appelle souvent en radio un verre d'oreille. La mélodie est tellement forte qu'on l'entend une seule fois, puis on l'oublie pas. Puis elle est jouée dans cette manière extrêmement puissante. Il y a chez Sidney Bechet ce vibrato là, qui vous prend. Là. C'est l'appareil sur lequel il joue se met à vibrer, même quand on entend ce saxophone très, très proche du jeu de la clarinette de Sidney Bechet. Mais c'est un saxophone soprano. Et c'est l'instrument qu'il va imposer au jazz aussi, notamment dans cette pièce, mais dans d'autres enregistrements. Donc, entendre ça, c'est entendre son plus grand succès, mais c'est entendre, comprendre tout de suite sa musique, au fond. C'est comprendre beaucoup sa musique. Vraiment, comme je dis, la force d'expressivité, là, c'est toute la Nouvelle-Orléans qui est condensée dans un seul instrument. Et Luther disait qu'il jouait avec des semi-professionnels dans son orchestre à lui. Bon, il a eu la chance de jouer avec d'autres, plus à sa mesure comme partenaire. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui, de toute manière, est très compétitif en musique. Donc, il y a quelque chose qui veut s'imposer d'emblée. Et évidemment, c'est plus qu'une pièce. Sidney Bechet, c'est un géant, je le disais, un géant de ce jazz de la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qu'il représente dans l'histoire du jazz aux États-Unis, Stanley Péan? Aux États-Unis, il est peut-être un peu oublié, méconnu, parce qu'il a fait une bonne partie de sa carrière en France. Mais bon, il fait partie de ses premiers virtuoses du jazz, un des plus influents dès le début. Il sera très, très brièvement dans l'orchestre de Duke Ellington, où il va avoir une influence notable sur Johnny Hodges, qui est le saxophoniste alto de Duke Ellington. Puis quand on réécoute Johnny Hodges, quand on sait qu'il a côtoyé Bechet, qu'il a pris des notes, c'est le cas de le dire, aux côtés de Bechet, on comprend que Johnny Hodges, après ça, lui, influence Charlie Parker, il influence Julian Cannonball Adderley. Donc, tous ces gens-là, par personne interposée, descendent de Sidney Bechet. Ouais. Un peu oublié, vous dites-vous, aux États-Unis, très, très connu en France. C'est un demi-dieu en France. À partir du moment où il s'y installe pour finir sa vie, parce qu'il y aura plusieurs séjours en France, mais à partir de la fin des années 40, à partir du Festival international de jazz de Paris, il décide d'élire domicile en France. Lui qui avait été là avec Joséphine Baker dans les années 20, dans la Revue Nègre, il était un des musiciens de la Revue Nègre. Il connaissait déjà la France, il avait contribué à imposer une certaine culture afro-américaine en France. Et donc, il va s'installer là vraiment avec un statut de héros national. Comme Joséphine Baker, d'ailleurs. Comme Joséphine Baker. Ces deux noms-là, pour les Français, là, c'est un peu une équivalence. Absolument. Ouais. Revenons aux États-Unis quand même, parce qu'il va être important. Il va, au début, bien sûr, ce sera le demi-dieu que vous décrivez plus tard en France, mais c'est un, avec Louis Armstrong, un des grands du jazz de la Nouvelle-Orléans. Et qui impose cette musique, qui aurait pu n'être qu'une musique, locale. Ça aurait pu être une musique folklorique de cette ville-là. Si elle a pu rayonner à ce point-là, c'est parce qu'il y a eu ces grands solistes-là qui ont été Sidney Bechet et Louis Armstrong. Il a même enregistré avant Louis Armstrong, de quelques mois. Ouais. Donc, il s'impose aux États-Unis un peu avant Armstrong, puis bon, il va partir à l'étranger, puis il aura les mésaventures que l'on sait. Et pourquoi cette... Parce qu'Armstrong reste un géant. Bechet, moins, beaucoup moins connu aux États-Unis. Pourquoi? Mais c'est vraiment la présence. Armstrong aussi était une figure médiatique. C'est quelqu'un qu'on a entendu beaucoup à la radio aux États-Unis, qui sera beaucoup à la télévision à partir des années 50, qu'on a vu au cinéma. Ouais. Bechet ne peut pas se réclamer de toutes ces plateformes qui ont permis à Louis Armstrong d'être un visage aussi connu. La pièce Les Oignons est un autre des très, très grands succès de Sidney Bechet, Stanley Péan. Profitons-en de ce qu'on vient d'entendre pour parler un petit peu plus de sa musique, du style Bechet. Comment décrire cette musique et ce style? Mais d'abord, elle appartient vraiment à la tradition de la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment ce jazz d'improvisation collective. Là. Les voix des instruments se mélangent. On n'est pas encore dans un jazz qui suivra où on laisse le soliste prendre l'avant. C'est beaucoup la fête. Il le disait dans l'entrevue dont on a entendu un extrait tout à l'heure. C'est la fête, c'est une espèce de joyeuse cacophonie où là, il y a une mélodie, puis il y a des contre-chants tout autour, et puis une assurance rythmique. Vous avez vu, l'orchestre s'est arrêté, tout le monde s'est arrêté en même temps, et puis on a repris pour un tout petit silence, on appelle ça un petit break comme ça. Ça demande la virtuosité qui était celle des grands solistes de la Nouvelle-Orléans. On joue ensemble. On joue ensemble, puis on s'écoute, puis on part chacun dans une direction, mais on sait où on s'en va. Oui. Ouais. C'est comme saxophoniste au saxophone soprano qu'il va s'illustrer, Sidney Bechet, mais il est d'abord clarinettiste. Il commence sa carrière de musicien à la clarinette. Il y a un des critiques français connus, un critique musical français, qui va d'ailleurs dire qu'il est le plus grand clarinettiste de l'histoire du jazz. Pour vous, Stanley Péan, comment est-ce qu'on parle l'un et l'autre? Ben, c'est un verdict qui m'amuse parce qu'il a finalement, la clarinette aura été pour lui un instrument secondaire très rapidement. Ouais. Il va délaisser la clarinette très tôt pour préférer le saxophone soprano. Et donc, pour moi, c'est un grand, grand saxophoniste soprano. Puis bien sûr, il a joué de la clarinette, mais dire qu'il est le plus grand clarinettiste alors que d'autres personnes vont consacrer leur carrière à la clarinette, je trouve ça étonnant. Et pourquoi il fait ce choix, d'ailleurs? C'est dans les années 20, je pense qu'il c'est dans les années 20. J'ai l'impression que c'est pour le son plus ample de cet instrument-là, le saxophone soprano, la puissance. Okay, c'est un instrument métallique avec la résonance qu'il a. Je trouve que ça occupe beaucoup plus d'espace qu'une clarinette. Oui. Et j'ai l'impression que ça va avec son tempérament un peu... je suis très sérieux et j'impose mon son. Donc, la clarinette, c'est un peu plus délicat, la clarinette, comme son. Sidney Bechet, on l'entendait parler français, on l'a dit, il va être une très, très grande vedette en France. Il va vivre en France une bonne partie de sa vie. Mais c'est pas que son passage en France qui explique cette connaissance de la langue française. Parlons un petit peu de ses origines, c'est intéressant. Il naît à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, en 1897, mais il est issu, Stanley Péan, d'une famille de créoles noirs de Saint-Domingue. Oui, Saint-Domingue. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand Saint-Domingois deviendront les Haïtiens après la Révolution haïtienne. Il y a des colons, des Français qui vont être expatriés, évidemment, et qui seront déplacés vers la Nouvelle-Orléans, qui est encore française. Et donc, on parle de 9000 et quelques personnes, des réfugiés, des maîtres, c'est le tiers à peine, et 3000 et quelques Noirs affranchis, donc les Créoles affranchis, et 3000 et quelques esclaves de maison. Alors, ceux qui étaient les domestiques ont suivi leur maître, arrivent à la Nouvelle-Orléans. Il va se créer donc deux communautés créoles, les créoles blancs et les créoles de couleur, qui sont de culture française. Et maintenant, la Nouvelle-Orléans, bien sûr, va passer aux mains des États-Unis. Mais c'est une communauté importante, en plus, qui a nourri en 1809. Eux, ils arrivent vers 1804, 1805. En 1809, il y a d'autres Français qui arrivent de Cuba, qui sont expulsés par les Espagnols. Donc, il y a vraiment une grande, grande communauté de ces créoles. Et là-dedans, il y a des gens qui sont formés en musique et qui deviendront les maîtres des premiers musiciens de ragtime, des premiers musiciens de jazz. Alors, Béchet appartient à la même génération que le tromboniste Kid Horry, que le pianiste Jerrold Morton, qui prétendait être l'inventeur du jazz. Donc, ces gens-là ont été formés par des gens qui étaient nés à Saint-Domingue, qui étaient de culture classique française et qui leur ont appris l'harmonie, la mélodie, ils leur ont appris des notions théoriques sur le jazz. C'est une micro-société, on va dire ça comme ça. Donc, il appartient à cette culture précise de la Nouvelle-Orléans. Absolument. Et puis, les premiers orchestres dans lesquels ils jouent avec un type qui s'appelle Buddy Petit. Alors, on est tout à fait chez les Français à ce moment-là. Et très rapidement, dans les années 10, il va multiplier les collaborations. Il est à peine adolescent. Il multiplie les collaborations avec les plus grands chefs d'orchestre de l'époque. Joe King Oliver, trompettiste, qui va aussi révéler plus tard, Louis Armstrong avait d'abord engagé Sidney Béchet. Donc, ça commence pour lui dans les années 10. Puis, il va se promener. Il quitte la Nouvelle-Orléans. Bien, il n'a pas le choix, comme tous les musiciens de cette génération-là. Le quartier chaud, le quartier des bars et des bordels va tranquillement fermer. Les musiciens se déplacent vers cette ville qui sera la deuxième capitale du jazz historiquement, c'est Chicago. C'est là qu'on fait les premiers enregistrements de jazz au début des années 20. Et puis lui, après ça, tranquillement, il s'en va vers New York, qui de toute façon est la ville qui va se mettre à dominer pour la scène musicale dès les années 1919-1920. Ouais. Et à New York, vous en avez glissé un petit mot, il va entre autres faire partie de l'orchestre de... Bon, il va jouer avec Clarence Williams, mais il va jouer aussi avec Duke Ellington à New York. Duke Ellington est un de ses plus grands admirateurs. Alors, l'engage comme soliste, il est à ce moment-là déjà au saxophone soprano. Il a à ses côtés Johnny Hodges, que je disais tout à l'heure, qui lui est saxophoniste alto. Et si ce n'était du fait qu'en tournée, Sidney Béchet, il entre quand il veut au travail, enfin, il arrive en retard pour les concerts ou il ne vient pas. Bon, Duke Ellington, c'était presque l'armée. C'était extrêmement discipliné comme orchestre. On a les images de cet orchestre. Tout le monde est tiré à quatre épingles. On est très bien habillé. On est dans la classe. C'est pour rien qu'on l'appelait Duke. Duke, malgré l'amour qu'il avait pour Sidney Béchet, il dit « Excuse-moi, moi, je ne peux pas fonctionner comme ça. » C'est juste pas gérable. C'est juste pas gérable. Et il y a quelques exemples comme ça dans l'histoire de l'orchestre de Duke Ellington. C'est la même chose pour Charles Mingus, qui sera son contrebassiste, qui va partir une querelle, une bagarre avec un des trombonistes pendant un concert. Donc, c'est bon, j'adore ton talent, mais Duke Ellington, c'est sérieux, là. Et c'est avec Duke Ellington qu'il va, pour la première fois, rencontrer Louis Armstrong. On y revient parce qu'ils sont incontournables dans l'histoire du jazz de la Nouvelle-Orléans. Quel genre de rapport? Parce qu'ils sont à la fois compagnons musiciens, mais en même temps rivaux. Quel genre de rapport ils auront l'un et l'autre? Ils sont rivaux parce que ce sont de grands solistes, ils viennent du même endroit, mais musicalement, quand ils se rencontrent, ça n'arrive pas si souvent que ça, ils font de la grande musique ensemble parce qu'ils ont ces origines communes, cette approche de la musique commune. Ils savent dialoguer dans cet idiome qui est le jazz des origines. Donc, peut-être qu'on met trop d'accent sur le fait que oui, c'était les grands solistes, puis oui, ils étaient rivaux. En même temps pas, parce qu'ils ne jouent pas du même instrument. Ouais. Donc, deux trompettistes ou deux saxophonistes vont être davantage rivaux qu'ils l'étaient, eux. Oui. On a parlé de la figure de Josephine Baker un peu plus tôt dans cette émission, Stanley Péan. Ils vont partager la même scène, Sidney Béchet. Ils étaient amis. En plus, et ils se retrouvent parmi les musiciens qui accompagnent la Revue Nègre. Ouais. Donc, ce sont les fameux... Milieu des années 20 à Paris. C'est la découverte de la culture afro-américaine, et puis c'est l'Afrique, et la culture nègre, plutôt qu'on dit, d'ailleurs. majeur à ce moment-là. Et il est de ces musiciens qui l'accompagnent. Alors, autant lui impose ce son qui est encore assez nouveau en France, le son du jazz, l'improvisation collective et tout, autant elle, bon, elle est sur scène avec sa jupe de banane. Oui. Et ils vont faire la pluie et le beau temps. Ils vont être en tournée un peu partout en Europe. Puis c'est la première période française, disons ça comme ça, de Sidney Bechet. À la fin des années 20, il va se retrouver en prison pendant 11 mois. Ça nous en dit beaucoup sur le tempérament du bonhomme, mais racontez-nous ce qui se passe. Il 11 mois de prison quand même. Il est en tournée à partir de ces années-là. Il quittera la Revue Nègre. Il va aller en Russie avec un orchestre. Et en 1928, il y a une bagarre qui éclate entre lui et un banjoïste. C'est Mike McKendrick qui l'a insulté, une insulte raciste. Et lui, il sort un revolver et tire. Donc, il ne touchera pas Mike McKendrick, mais il va blesser un témoin, une dame qui était là lors de l'altercation. Et le drame est évité, mais en même temps, il est arrêté pour ça. Puis il est foutu en prison à Fresnes, et il va être expulsé après ses 11 mois en prison. Il sera interdit de séjour. Interdit de séjour. On est encore loin du héros national qu'il va devenir beaucoup plus tard. C'est quelqu'un qui va bourlinguer un petit peu en Europe, mais assez rapidement, puisqu'il est interdit de séjour en France, il rentre aux États-Unis et il va passer une bonne partie des années 30 aux États-Unis. À quoi ça ressemble cette décennie pour lui? Retour au bercail, il joue dans différents orchestres. Encore une fois, son caractère fait qu'il ne peut pas rester souvent avec les mêmes musiciens. Il a de la difficulté à s'entendre avec les autres, disons. Là, c'est drôle d'entendre Claude Luther tout à l'heure dire à quel point il était de commerce agréable. C'est pas ce qu'on en lit, en tout cas. Ouais. C'est vrai qu'il parle d'un Sidney Bechet un peu plus âgé, mais Sidney Bechet, encore jeune étalon, est insupportable, apparemment. Et donc, il va quand même enregistrer, pas avec n'importe qui. Bon, il va enregistrer avec Willie the Lion Smith, qui est un des pianistes importants de cette époque-là. Et ce qu'ils vont enregistrer ensemble va imposer ce qu'on appellera plus tard le Latin Jazz, parce qu'il puise dans la musique de la Caraïbe. Ah, c'est étonnant, ça. La meringue haïtienne, la rumba... On est dans des rythmes qui sont différents de la Nouvelle-Orléans. Puis en même temps, la Nouvelle-Orléans, c'est cette ville en croissant ouverte sur la mer des Caraïbes. Donc, c'est le lieu où tout ça se mélangeait. C'est pas étonnant que Sidney Bechet contribue, bien avant les Dizzy Gillespie et compagnie, à imposer la musique des Caraïbes à travers le jazz. Ouais. Et puis en 1941, Sidney Bechet va enregistrer ce qui suit. Pourquoi cette pièce-là, The Shake of Araby, est importante, Stanley Péan, dans le parcours de Sidney Bechet, mais plus que ça, dans l'histoire du jazz? Musique populaire, elle date des années 20, elle date de sa jeunesse, il se replonge là-dedans avec délectation et il décide qu'il en joue à peu près toutes les parties. Parce que ce qu'on entendait là, c'est Sidney Bechet à la clarinette, au saxophone soprano, au saxophone ténor, au piano, à la contrebasse et à la batterie. Oh. C'est un des premiers enregistrements dans l'histoire du jazz en multipiste. Donc, on reprend, mais on rajoute un étage, et ça nous donne ce morceau qui a l'air tout à fait naturel. Il n'a pas été fait en temps réel, donc c'est un montage, mais c'est un montage extraordinaire. Parce qu'il reprend la même pièce avec un instrument différent chaque fois. Donc, il est tous les membres de l'orchestre qu'il a dû faire donc séparément, et donc on mixe ça. Évidemment, maintenant, c'est une pratique commune, on fait ça tout le temps en musique pop, mais à l'époque, en 1941, c'est une expérience qui aurait pu échouer. Ouais. Mais ça donne ce morceau où on a vraiment l'impression d'entendre un orchestre de la Nouvelle-Orléans avec les chantres coupés dont nous parlions tout à l'heure. Il revient en France, il retourne en France plutôt en 1949. C'est là qu'il va décider de s'y installer définitivement. Et ces années 50, vraiment, c'est pour lui l'âge d'or, ses plus grandes années. Parlez-nous un petit peu de ces années-là, de sa vie en France. Il arrive, retour triomphal en France, c'est le Festival international de jazz de Paris de 1949. Et là, il se dit, vraiment, puisqu'il est si bien reçu, alors il est là avec tout plein de jeunes musiciens qui, eux, en sont à leur première présence en France, les Charlie Parker, les Miles Davis et compagnie, découvrent comment la France aime le jazz, aime les musiciens noirs américains. Mais Bechet se dit, tiens, peut-être, maintenant qu'il n'y avait plus l'interdit de séjour, il s'installe et donc va tourner, va jouer avec Claude Luther, qu'on a entendu tout à l'heure, et va s'installer, va devenir une des figures les plus représentatives du jazz en France. Toute l'école, enfin, qui préfère le jazz des origines au jazz moderne, le voit comme un... comme la survivance de cette musique-là. Oui. Et donc, lui va profiter de ce succès-là, s'installer. La France sera sa base, il continuera à tourner dans toute l'Europe. Et en 1952, il accouche de ce thème si mémorable, Petite fleur, qui deviendra 7 ans plus tard une chanson que chanteront Petula Clark, Henri Salvador, oui. Même Jean Leloup tout près de nous. Et donc, Petite fleur va devenir sa pièce emblématique, quand on le dit. Quand ouais. on pense Béchet, on pense d'abord à Petite fleur. Et pourtant, lui, c'est pas... je veux dire, le succès le réjouit, mais c'est pas ce qu'il préfère. Il a travaillé des partitions de ballet. Il a écrit un ballet pour chorégraphe et danseur Pierre Lacotte. Ça s'appelle « La nuit est une sorcière ». C'est ce qu'il préfère de tout ce qu'il a écrit. Oui, mais... de tout ce qu'il a composé. Pour lui, c'est son chef-d'œuvre. La nuit est une sorcière, une musique que va donc écrire Sidney Bechet, musique de ballet. On les voit, on les imagine. Danser, exactement. Absolument. Ouais. Et il est très influencé. Là, bien sûr, on entend un soliste de jazz de la Nouvelle-Orléans, mais au niveau de la composition, il est très influencé par Tchaïkovski. Il est dans ce romantisme classique. Il a visité souvent la Russie. Il est dans ce romantisme de la musique classique-là. Et c'est drôle, ce vibrato, cette force, évidemment, la prise de son l'a mis en avant. Mais j'ai l'impression que même s'il était dans la fosse avec les autres musiciens, il domine. C'est vraiment un son puissant, ouais. Sidney Bechet. Il y a un souffle aussi. Hein. Ouais. Est-ce que c'est ça qu'il laisse essentiellement, ce souffle, ce son puissant, ce vibrato? Qu'est-ce qu'il laisse au jazz? Ben, il laisse ça, bien sûr, mais il laisse aussi cette manière d'approcher le swing qui a influencé ceux qui viendront après. Et même quelqu'un d'aussi moderne que Steve Lacy, quand il prend le saxophone soprano, il y a des échos de Sidney Bechet là. Et cet instrument-là, saxophone soprano, qui était assez peu courant en jazz, s'il y est aussi présent, c'est un peu Sidney Bechet avant Coltrane et Lacy pour les années 60. Stanley Péan, c'était comme toujours un vrai bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup, Stanley. C'est un plaisir. Stanley Péan, animateur de l'émission Quand le jazz est là, diffusée à l'antenne d'ici musique. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Alain Savoie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.